Bah, j'ai le plaisir d'être avec Emeric et Nico du groupe Black Bile. Black Bile, je sais jamais. Black Bile, on Black dit. Black Bile, plutôt. Ouais, plutôt, ouais. Plutôt. Donc, Doom, groupe de Doom post-metal formé en 2019. Bah, déjà, je suis très content de vous avoir en interview, donc c'est hyper cool. Merci d'avoir dit oui. Bah, le plaisir est partagé. On va commencer de suite par parler un peu du cadre et du contexte où on est. Donc là, on est au Hellfest. Vous étiez déjà venu en tant que festivalier ou c'est vraiment la première fois que vous venez sur les places? Ouais, on est venu. Alors, toi, Emeric, tu viens depuis plus longtemps que moi quand même. Ouais, moi, mon premier, c'était 2014. J'étais venu qu'une journée voir Soundgarden à l'époque. Et depuis 2015, ouais, entre 2015 et 2022, je crois, j'avais fait le Hellfest depuis. Et moi, mon premier, c'était 2017. Et vraiment, notre dernier, c'était 2022, où en fait, les 7 jours ont eu raison de nous et c'était trop là. Et du coup, on n'est pas retourné depuis. Et là, on est juste revenu hier soir pour voir Deafheaven, pour s'imprégner un peu du concert, enfin de l'ambiance avant d'attaquer le concert de ce matin. Quoi. Donc c'est intéressant parce que vous avez quand même, en tant que festivalier, une vision un peu détachée du festival parce que vous l'avez connu à différentes périodes, mais vous êtes quand même un peu mis en retrait par rapport au festival. Vous n'êtes pas des chaque année habitués. Je pense que après voilà, on a beaucoup aimé aller au Hellfest, mais c'est vrai que dernièrement, pour plein de raisons, en fait, on s'était dit que voilà, c'était déjà on avait des amis qui soit sont partis, donc du coup c'est plus la même bande qui va au festival, tout ça. Et puis il y a une année où on a préféré aller faire un tour au Motocultor quand ça déménage à Carhaix pour voir aussi ce que ça donnait. Et puis des histoires peut-être aussi juste d'intérêt de programmation tout simplement. Mais effectivement, on a été beaucoup de l'autre côté de la barrière avant de. Et d'ailleurs, on se disait souvent, peut-être que ce sera nous un jour. Quand on venait voir des concerts à 10h30 ou à 11h du mat sous la vallée, on se disait peut-être un jour, quoi. Voilà, et puis c'est arrivé. Et justement, c'est arrivé. Comment ça s'est passé ce matin? Vous avez eu quoi comme ressenti? Je suppose très excité avant de démarrer. Tu veux commencer ou pas? Ouais, vas-y. Écoute, déjà quand même un peu stressé parce que forcément c'est un événement d'envergure en France, quoi, le Hellfest. Mais par contre, on s'est fait la réflexion, c'est le fait d'avoir fait le Motocultor l'année dernière, on a quand même eu un point en moins niveau pression. Et c'est vrai qu'on a pu rentrer dans le concert plus facilement et profiter du moment, quoi. Et sinon, le deuxième ressenti, c'est de voir la réception du public ce matin qui était incroyable. Et ça vaut tout l'heure du monde, quoi. Et puis il y avait du monde, franchement, pour dès le départ. Des fois le concert d'ouverture comme ça, c'est un peu clairsemé. Là, les gens étaient venus vous voir. Ouais. Okay. Donc ça fait toujours plaisir de voir qu'il y avait une attente ce matin, quoi, pour notre concert. Je suppose que pour vous, en termes de ne serait-ce que de promotion de votre groupe, pouvoir être à l'affiche du festival, c'est quand même très très important. C'est une ligne sur le CV, oui, forcément, ouais. qui on espère va amener d'autres occasions, d'autres festivals, peut-être européens, on ne sait jamais, tu vois. Donc, ouais. On va parler maintenant un peu plus de vous en tant que groupe. Moi, j'avais jamais eu l'occasion de vous voir avant, mais j'ai fouillé un peu sur Internet, tout ça, j'ai vu des vidéos de live. Et vous utilisez énormément tout ce qui est lumière pendant vos concerts. Je trouve très travaillé, surtout des lumières blanches, donc faire des contrastes blanc-noir. Ça me fait un peu penser à Amenra par certains styles, même si c'est pas. On n'est pas sur les mêmes choses, mais voilà. Ma question, c'est est-ce que vous êtes quand même satisfait du rendu en vallée qui est ouvert ou finalement rien ne vaut une petite salle un peu sombre pour apprécier cette ambiance lumineuse? Alors, perso, moi, j'ai pas trop regardé le rendu de notre concert ce matin, je vais laisser répondre Nico, ouais. Mais. Forcément, oui, il y a un gros travail en tout cas qui est fait pour, ouais. Pour la salle. Enfin, on va continuer en tout cas. On s'est fait la réflexion en regardant un petit peu les stories. Forcément, on a vu que, alors malgré qu'on était en plein jour et le soleil quasiment en pleine tronche, les lights ont été respectés parce que, en fait, c'est vrai que tu dis qu'on a des lights très travaillés, mais. En fait, on n'a pas de light. Donc, nous, on a juste des instructions light dans notre rider qui sont très sommaires. Où on dit, on veut du blanc. Dans le cas d'une salle classique, on veut quand même pouvoir, voir ce qu'on joue. Et puis, on aime bien ce côté d'avoir des backlights du coup pour juste distinguer les silhouettes, etc. Et on sait que de toute façon, après, dans le cas d'un open air, et c'était pareil au motocultor, même si on était sous tente, malgré tout, on sait que ben voilà, c'est aussi le jeu du festival. On n'aura pas ce rendu, mais bon, en fait, l'enjeu est ailleurs. Et puis c'est aussi un autre exercice. Et quelque part, ben nous, ça nous va très bien aussi. Ce qui nous importe, en fait, c'était de faire un bon concert, de jouer pour les gens qui. Bah encore une fois, on sait que les gens qui viennent à 10h30, c'est vraiment qu'ils ont envie de te voir. Donc, oui, c'est l'avantage aussi. Donc voilà, c'était ça l'important surtout. Mais c'est un truc, oui, effectivement, Amenra, c'est une influence, c'est clair et net. Et on aimerait développer ça par la suite. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais. Après, j'ai l'impression, enfin, je fais un petit aparté, mais j'ai l'impression que comme ça, les lumières blanches, même si c'est pas hyper hyper travaillé, ça fonctionne toujours très bien. Mais ouais. Tu vois, parce que tu dis qu'il n'y a pas de choses spécifiques demandées. En fait, ça fait déjà un cadre noir-blanc. Ouais. En fait, Je pense que c'est un peu une continuité. Nous, de l'approche en tout cas qu'on a du projet en général, c'est on aime la sobriété. Et du coup, voilà, le fait d'être habillé en noir et juste d'avoir de la lumière blanche, forcément joue ça, quoi. Voilà. Enfin, en tout cas, fait le jeu de ça. Donc ouais. Voilà. Justement, pour parler un peu de votre groupe, qu'est-ce qui vous inspire dans votre façon de faire votre musique? Parce que on peut parler de groupe bien particulier, mais on peut même parler en général de ce qui vous plaît, de ce qui vous fait être vous, en fait. Ben, on a tous des inspirations et des références qui sont un peu différentes, mais on a quand même un gros terrain commun en tout cas, au début de Black Bile, les groupes qui nous ont beaucoup influencés, c'est la scène en fait de la Church of Ra, quoi. Donc Amenra, Housebreaker, tous ces groupes-là, et aussi Eggman's Chair, par exemple, voilà, qu'on adore. Et puis après, là, maintenant que le groupe évolue, on nourrit aussi peut-être un petit peu plus d'intérêt vers d'autres groupes maintenant que les bases sont un peu là. Peut-être qu'on va piocher un petit peu ailleurs. Et dernièrement, par exemple, je dis ça, mais peut-être que des gens dans le groupe ne seront pas d'accord avec moi, mais j'ai l'impression qu'on a tous un intérêt quand même pour des groupes comme Holyphone, qui c'est un mélange de shoegaze et de black metal un peu. Et on aime bien ces musiques-là aussi. Tu parlais de Def Even, je ne sais plus si on en a parlé en off ou de face à caméra, je ne sais plus. Je ne sais plus, ouais. Tu parlais d'eux, bah, c'est pareil, il y a quand même des éléments de shoegaze. Carrément, ouais. Mais tu vois, bizarrement, Def Even, je connaissais Def Even, j'avais déjà écouté Def Even et tout, mais en fait, je ne m'étais jamais vraiment intéressé au groupe. Et j'avoue même que les écoutes, je trouvais ça cool, mais je n'étais pas vraiment tombé dedans. Et en fait, le dernier album qui est sorti là, il m'a scotché, mais littéralement. Et là, c'est là que j'ai commencé vraiment à rentrer dans le truc, quoi. C'est par là, en tout cas. J'ai fait un peu les choses à l'envers, mais est-ce que vous pouvez aussi me parler un petit peu de comment votre groupe s'est formé un peu au départ? Parce que là, on a déjà parlé de tout ce que vous avez, de comment vous voyez les choses, mais ouais. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes réunis il y a déjà 6 ans déjà. Tu veux répondre? Donc, j'essaie de la faire très très courte. Nous on est tous issus de autour de l'Orient, en gros, et on avait des petits projets en fait respectifs, chacun de notre côté, mais des petits groupes pour rigoler, quoi, pour s'amuser, mais ces groupes là en tout cas pour certains d'entre nous sont venus aussi révéler ce qu'on avait envie de faire aussi dans la musique, et voilà. Et en fait Roman, donc la chanteuse du groupe, et moi, on se croisait régulièrement, et par une connaissance commune en fait à qui on confiait tous les deux qu'on avait envie de faire quelque chose d'autre, de nouveau, on voulait jouer de la musique plus lourde, plus sombre et tout ça, nous a mis en relation. Et donc Roman et moi on s'est dit qu'on allait essayer en tout cas de monter un projet, et on a cherché des gens. Et donc on a commencé avec un premier batteur qui n'est pas resté très très longtemps, et donc c'est Emeric qui est arrivé après à la batterie en 2018 2018. Et il y a Antoine qui était là à la guitare, donc on était quatre au début. Et ce line-up-là a suivi jusqu'en fait à l'album qui est sorti en octobre 2023. Et là, en mi-2024, au moment du Motocultor, Antoine a fait le choix de quitter le projet. Et donc là, c'est Mick qui du coup a rejoint le projet. Et j'ai oublié de mentionner du coup Rémi aussi qui est venu en deuxième guitare en janvier 2022, avant l'enregistrement de l'album du coup. 22 ? Ah, j'avais noté 23, tu vois. Non, 22, ouais. Ouais, okay, 22. Mais c'est vrai que nous, tout s'est fait sur un temps assez long et dispersé. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et on a beaucoup, fait de travail entre guillemets en sous-marin, c'est-à-dire que. En fait, tu vois, tu as noté sur ta fiche, je crois que le groupe, il date de 2019. C'est ce que j'ai noté, ouais, mais déjà, tu me parles de choses... Oui, pardon. Ouais, mais en tu fait... Tu parles de choses de... Oui, qui datent mais, de là-bas. Mais en fait on peut prendre l'existence du groupe, en fait, à... Vraiment, peut-être à 2019, quand on a commencé à faire un premier concert en 2019. Et puis, la sortie de l'EP en janvier 2020. Mais en fait, on a commencé à faire de la musique ensemble en... Bah, je crois que Roman et moi, on a commencé fin 2017, et puis après, c'était vraiment à mi-2018 qu'on a commencé à répéter, à essayer de faire des choses. On avait fait un répertoire, on faisait du stoner au début, on a tout jeté à la poubelle. D'accord. Et on a recommencé, et voilà, ce qui a donné naissance à l'EP ensuite qui est sorti en 2020. Okay. Et donc en fait, on a fait beaucoup de travail en sous-marin, et c'est vrai que l'EP est sorti en janvier 2020, mais il y a eu le Covid, tout ça. Donc on a eu quelques plans concerts par-ci par-là, mais ça a vraiment été léger. Et je dirais que vraiment le projet a vraiment peut-être pris naissance, ou en tout cas une deuxième naissance avec la sortie de l'album chez Frozen Records, le fait que qu'on signe aussi chez Dead Pig, et là tout ça ça a pris une autre dimension quoi. Et du coup pour finir en vitesse parce que vous devez passer à la suite, je suis désolé. C'est quoi un peu la suite pour vous rapidement, un album prévu, vous commencez à y penser ou juste une tournée, des dates en tout cas? Alors album forcément on commence à y penser, rien n'est fixé, on va commencer à travailler dessus là très prochainement. Et sinon on espère forcément à la suite d'un prochain album tourner encore plus quoi. En fait on essaye de continuer à faire là parce qu'on a pas mal de dates et nous en fait on compose en répète beaucoup. Donc du coup là les répètes qu'on a sont surtout dédiées à préparer les lives qu'on a sur l'année. Mais on va vraiment s'octroyer un temps l'année prochaine, en 2026, pour on accumule du matériau et on va mettre ça en forme pour un album. Voilà. Ok. Écoutez, hâte de pouvoir entendre ça quand ça sortira. Merci beaucoup pour votre temps. Merci à toi. Pour votre disponibilité. Et encore une fois, c'était un super concert ce matin. Merci. Merci beaucoup. Et j'invite tout le monde à aller vous écouter, essayer de vous voir en live. Avec grand plaisir. Merci, à bientôt. Merci à toi.